Ce soir, je conclue le séminaire de l'année, donc sur qu'est-ce qui est thérapeutique, et je vais essayer de renouer un certain nombre de fils qui sont partis dans tous les sens, autour en rappelant au fond au départ l'enjeu de tout ce que je vais faire cette année, dans la continuité de la fin des coupables. C'était m'interroger assez concrètement sur la signification de ce que ça peut être que le renouvellement de la psychanalyse, si on prend en compte ce que j'appelle les nouveaux régimes d'autonomie, qui sont pour les individus des régimes bien distincts de ceux qu'on trouve chez Freud, bien sûr, mais aussi chez Lacan. J'ai beaucoup insisté sur cette dimension-là, et qui relèverait, si vous suivez la contextualisation historique et anthropologique que j'ai donnée, qui se relèverait donc plus de ce que j'ai appelé l'autonomie condition que l'autonomie aspiration. Et alors, évidemment, tout tourne autour de ceci. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une sorte de changement de paradigme tel que voilà, les gens seraient totalement différents, puisque évidemment, tout se superpose par glissement, et que c'est juste pour essayer d'apercevoir des formes nouvelles de l'injonction à l'autonomie qui se manifestent à travers des présentations pathologiques qui sont indissociables de la manière dont on les théorise et indissociables des institutions qu'on construit à la fois pour les identifier, les traiter, etc., et qui fabriquent ces espèces d'objets étranges pour la clinique classique, n'est-ce pas, que sont l'hyperactivité infantile, certaines formes d'autisme, de troubles envahissants du développement, les TOC plutôt que la névrose obsessionnelle, enfin, toutes les choses dont j'ai longuement parlé dans La fin des coupables. Et comment, au fond, ces nouvelles formes qui nous traversent tous, parce que par bien des aspects, on fonctionne sur plusieurs régimes, il n'y a personne qui fonctionne exclusivement sur le régime de ce que j'ai appelé l'autonomie condition. Hein, on est tous, par certains aspects, des dimensions de notre existence qui s'analyseraient mieux en termes d'aspiration à l'autonomie que d'impératif à l'être, à quel âge de la vie que vous soyez, et à être un handicapé, hein, comme le gosse qui n'est pas capable de se contrôler hyper précocement et qu'on va traiter comme un handicapé, et dont on va traiter l'hyperactivité ou le défaut d'attention comme un handicap, et donc comme une maladie. Hein. Alors, ça suppose, effectivement, si on va jusqu'au bout et en radicalisant, parce qu'évidemment, pédagogiquement, je suis obligé de radicaliser, alors que mon but, c'est juste de nuancer, mais pour que les concepts apparaissent, théoriquement, ça veut dire qu'on en est tout doucement à ce glissement qu'Ehrenberg avait bien mis en évidence dans son travail, entre quelque chose qui serait de l'ordre de l'homme coupable l'homme incapable. Du passage d'un régime de la culpabilité à un régime de l'impuissance comme régime donnant sa couleur fondamentale, c'est à la fois les affects moraux, les représentations culturelles, politiques également, le type de revendication, les institutions qui y portent remède, qui basculent, n'est-ce pas, quand on passe de l'homme de la névrose, comme il simplifie quand même beaucoup, hein, l'homme coupable, à l'homme de la remédiation cognitive, de la réadaptation psychosociale. Voilà, c'est un dont on peut d'ailleurs observer concrètement, in vivo, hein, dans les institutions, l'apparition, les manières dont ça se passe avec les enfants, les ados, les malades chroniques, les malades qui ne sont pas des malades mentaux, mais des maladies somatiques aussi, dont on s'intéresse tout d'un coup à des dimensions psychologiques auxquelles on ne s'y intéressait pas, etc. Et alors, c'est pas pour dire que, n'est-ce pas, il n'y a plus de coupable, hein. C'est dire que on ne peut plus tout à fait dire que l'angoisse culpabilisante est organisatrice de la totalité du réseau des manifestations psychopathologiques contemporaines. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous vous opposez, pour simplifier à nouveau, parce que tout est dans les nuances, les deux extrêmes du spectre, au régime de la culpabilité correspondait celui de la névrose, du pôle mélancolique de la psychose, et puis de ce sur quoi j'ai longuement travaillé, donc de ce qu'on appelle la névrose obsessionnelle, au régime de la où l'affect et la culpabilité centrale, chez l'homme où la question qui se pose au cœur de la chose, c'est celui de son impuissance, de sa fatigue, de sa honte, de son sentiment d'imposture, tous les traits que j'ai durcis fait par amour, probablement aussi pour essayer de faire valoir à quel point on ne peut pas traiter quelqu'un comme par amour, dans la fin des coupables, comme un névrosé obsessionnel, simplement un peu plus compliqué que les autres. C'est-à-dire qu'il nous offre là toute une panoplie de souffrances, d'interrogations, qui ne sont pas centrées exactement sur les mêmes choses, même si l'enveloppe extérieure de certains symptômes coïncide presque trait pour trait à ce qu'on a toujours décrit dans les névroses obsessionnelles, dans la psychasthénie de Janet, etc. Et ce qui est associé à ces pathologies de l'autonomie condition, c'est plutôt des troubles de l'anxio-dépression, c'est des choses qui sont facilement catégorisées comme des troubles de l'autocontrôle, de l'autocontrainte, les TOC, etc. On est plutôt du côté du handicap que de la maladie, hein, puisqu'au fond, à partir du moment où l'autonomie est une condition, quand vous n'arrivez pas à être autonome, ça ne peut pas faire partie de votre processus d'autonomisation, de constitution subjective. C'est du parasite, c'est de l'externe, c'est voué à l'éradication, qu'elle soit chimique, qu'elle soit neurologique, etc. Ou à la suppléance, c'est-à-dire on va vous donner une prothèse pour vous aider à être autonome, c'est-à-dire digne. Et donc on va vous traiter comme un handicapé plutôt que comme un malade, avec cette espèce de nuance que j'ai fortement marquée, c'est que du coup, dans le régime traditionnel de l'autonomie-aspiration, le symptôme se présentait naturellement et d'emblée comme une expérience de vérité. Il pouvait être. Et il y avait. C'est pas une invention de la psychanalyse, c'est que la psychanalyse appartient à une culture dans laquelle le processus de construction de l'enfance, de l'adolescence, du devenir adulte, dans ses ratages, dans ses rapports au destin, la sexualité, etc., permettait tout à fait clairement, hein, dans la littérature qui vient l'apporter, dans les signifiants disponibles, de penser les symptômes comme étant, par certains aspects, en dehors de la souffrance qu'ils nous infligent, des expériences de vérité. Parce qu'on est toujours, vous voyez, on est toujours en train de mal faire par rapport à un idéal. Et que le chemin d'une analyse, ça passe toujours dans cette perspective-là par le fait que le désir, c'est un rapport au mal. Il y a un mal faire. On ne peut pas éviter d'un moment ou un autre ce désir refoulé de le rencontrer autrement que comme quelque chose de l'ordre du mal. Chose qui, à l'autre extrême, dans ce que je décide comme la condition de l'homme en régime d'autonomie condition, où de toute façon, il n'est plus question de faire mal. Hein, c'est-à-dire, c'est des gens comme par mort qui font tout bien. C'est ça le problème. Si vous faites tout bien, dans ce cas, le symptôme ne va plus apparaître dans sa charge morale autrement que comme un parasite. Quelque chose qui appelle lui-même une correction comportementale, une rectification cognitive, une extraction de ce monde. Pas parce que vous êtes simplement dans un régime du moi tout-puissant. Il n'est pas du tout tout-puissant. C'est au contraire un moi dont l'autonomie se paye en termes d'autocontrainte. D'une autocontrainte qui ne doit procéder que de l'intérieur, dans laquelle l'intériorisation des idéaux sociaux et la superposition, en quelque sorte, du moi, du surmoi et de l'idéal du moi, pour aller vite, c'est une superposition qui confine à l'écrasement. Et qui produit d'ailleurs des effets mortifères que j'avais fortement marqués, dans la mesure où, autant dans l'histoire d'un névrose obsessionnel, au moment où elle est inventée par Freud, dont elle connaît son développement. Vous êtes dans une logique de l'histoire de l'individu qui va dans le sens de l'intériorisation. C'est-à-dire que la culpabilité, c'est l'affect qui crée, qui creuse presque physiquement dans la matière psychique ce qu'on appelle une intériorité. C'est le rentre en toi-même qui est l'effet de... Si nous avons des intériorités, c'est parce qu'on est né avec une intériorité. C'est parce qu'il y a tout un dispositif affectif du rentre en toi-même et du examine-toi qui produit cet espace intérieur du psychisme, de la conscience, du regard qui nous scrutent de l'intérieur, etc. Dès le moment où vous sortez d'une constellation de ce genre, la pulsion de mort, en effet, j'en ai fait l'hypothèse, la pulsion de mort va commencer à ravager quelque chose qui est beaucoup moins le crevard, à exercer ses ravages beaucoup moins sur le mode du creusement en spirale vertigineux d'une intériorité coupable, avec cette espèce de spirale mélancolique qui est l'horizon, finalement, de l'affirmation de l'individu dans la modernité, et aller dans le corps, se répandre sur un mode qui n'est pas celui de la conversion, etc., de somatisation hypochondriaque, dont, à nouveau, me semblait-il, chez Paramore, vous avez un témoignage absolument presque invraisemblable, quoi, hein, de quelque chose qu'on n'appellera pas vraiment de l'hypochondrie, c'est pas psychotique, enfin, c'est très difficile de dire que c'est une sorte d'objectivation de l'objectita qui se met à se balader dans le corps comme ça, mais qui est une figure du malaise affectée de manière permanente de doute, hein, puisqu'on n'est pas, ça n'a pas cette certitude qui caractérise l'hypochondrie psychotique, hein, c'est qu'il y a vraiment un endroit là où ça, même s'il bouge et même s'il y a une certitude là-dessus, non, c'est une espèce de doute terrifiant là que raconte Paramore, mais qui est un malaise mobile, incessant, dans lequel tout ce qui se répercutait cruellement dans l'intériorisation du creusement de la conscience vient comme ça attaquer le corps sur un mode inédit. Alors, bien sûr, les traits communs à l'homme coupable et à l'homme incapable, hein, l'homme qui fait l'expérience de l'impuissance et de la fatigue en régime d'autonomie condition, il y a des traits communs, hein, en dehors du fait que à la fois comme catégorie, comme expérience individuelle, c'est juste des miroirs pour des filtres pour faire apparaître des phénomènes. Le premier trait commun que tout le monde partage et qui est constitutif de la notion même d'individu, c'est la méconnaissance que je qualifierais de transcendantale. C'est une illusion transcendantale de la conscience individuelle. C'est de croire que l'individu rencontre en face de lui le reste de la société comme un autre, comme son autre. C'est le fantasme absolument caractéristique des sociétés individualistes que plus on s'individualise et plus le lien social lui-même est fragilisé, que la règle sociale devient de moins en moins forte, que l'individu peut fonctionner contre la démocratie, alors que n'importe quel sociologue vous expliquera que ces phénomènes-là, qui ne sont pas sans effet, hein, quand on y croit, ça a des effets, on fait des institutions pour y remédier, etc., et que ces phénomènes-là sont constitutifs de l'illusion individualiste. Puisqu'on n'a jamais fait de société où l'interdépendance des individus est plus vertigineuse que les sociétés individualistes. Puisque chacun d'entre nous compte sur l'autonomie, l'autocontrôle, la capacité à se maîtriser de chacun des autres dans toutes les activités que nous avons. Et donc, du coup, nous nous laissons des latitudes et des possibilités de vivre des vies individuelles qui sont toutes archi-dépendantes du fait que chaque individu, avec zèle, assiduité, se remet en question, reprend les choses à zéro et s'impose à lui-même, tout autour de nous, des remises en cause que personne ne lui imposera du dehors. Et c'est justement ça qui fait que la forme individu, c'est très difficile à penser souvent en France, pour des raisons qui sont liées à la nature de notre société, mais que la forme individu est une forme sociale. C'est ce qui fait, comme explique très bien Ehrenberg, que nous avons beaucoup de mal, quand c'est pas un truc purement abstrait, mais quand c'est un truc très concret, à concevoir que le self américain, ça n'est pas l'atomisation de la société, mais que le self américain, c'est l'institution même de la société. C'est-à-dire que c'est l'institution fondamentale. C'est le fait que c'est pas l'État, c'est le self. Et que donc le self américain nous paraît toujours... On n'arrive pas à comprendre comment une société peut tenir comme ça. Le fait que les gens aient le droit de détenir des armes, qui refusent absolument l'Obamacare ou le fait d'être obligés de payer des trucs pour la santé des autres, ça nous paraît une sorte de dinguerie individualiste. Le bon sens étant du côté... On ne peut pas laisser les gens avec des armes. Tandis que vraiment, au contraire, la masse, c'est ce qui organise la société, que justement, hein, chacun puisse, et il y a une partie de la société qui défend ça comme des valeurs qui nous paraissent réactionnaires, ultra-conservatives, mais qui sont les fondements même de l'identité de la société américaine. Donc il y a des effets comme ça que met très bien en évidence Alain Ehrenberg, hein, en fait, et pour les Américains, il va de soi qu'une société comme la nôtre, où nous on a l'impression d'être des individus libres dans une démocratie, est en réalité, comme vous savez, à deux doigts de sombrer dans le communisme, et que la plupart des Français sont des socialistes qui s'ignorent, et que, voilà, que la sécurité sociale, c'est l'abomination de la désolation, c'est la ruine de la liberté individuelle, enfin des choses de ce genre. Bien sûr, les incompréhensions sont symétriques et inverses. Deuxième élément qui est commun, hein, ces deux distinctions, l'autonomie condition et l'autonomie aspiration, c'est qu'effectivement, elles procèdent d'un processus historique. Plus on s'en éloigne, et plus elles se superposent. Hein, c'est-à-dire que plus on peut voir à plein d'endroits les deux choses jouer. Et c'est ce que j'avais dit au début de l'année, hein, c'est que je m'inspire fortement d'une vision éliassienne à Norbert Elias de la construction de l'individu, et c'est dans cette vision à Norbert Elias qui culmine, comme vous savez, ça a été récemment publié en français, avec une réflexion sur Freud, avec une réflexion sur le surmoi, hein, sur le moment où l'intériorisation de la contrainte est telle qu'elle devient un objet psychologique, et un objet psychologique qui pose des problèmes pathologiques. Et pour Freud, pour Elias, dans les années 30, le concept de surmoi, c'est pas simplement une... Et je vous rappelle qu'Elias a été un des créateurs de la psychanalyse de groupe, c'est une chose qu'on oublie comme ça. Pas la version Bion, hein, une autre version. Hein, la notion de surmoi, c'est pas juste un mot comme ça inventé par un théoricien de la psychologie, c'est le reflet absolument majeur d'une transformation anthropologique dont Freud se relève la valeur universelle bien au-delà de la question psychologique. Et puis, la troisième chose sur laquelle je voudrais bien insister avant de développer mon point, c'est que ce que je vous raconte a souvent fait, régulièrement d'ailleurs, encore récemment, l'objet de contestations très, très violentes, dans la mesure où je mets énormément l'accent sur l'histoire de l'individu, de la fabrication de l'individu, et qu'on m'explique que je suis une muse et que je n'ai rien compris à ce que Lacan apporte avec le concept de sujet. Et qu'il n'y aurait censément aucun rapport entre une anthropologie du sujet, une clinique du sujet, ou une épistémologie de la psychanalyse du sujet, et le genre de considération que je fais sur l'individu, qui serait une sorte de régression à une compréhension en termes de moi, hein, au sein de moi imaginaire, de l'évolution de la société. Mais chaque fois que y a une chose qui est... qui désarçonne toujours les gens qui me font cette objection, c'est que je leur dis, mais justement, c'est seulement dans une société individualiste, radicalement individualiste comme la nôtre, que vous pouvez poser une question comme ça et me faire une critique comme ça. Il n'y a que dans les sociétés individualistes que l'on peut mettre en cause radicalement la nature du lien social, c'est-à-dire pousser à son paroxysme l'inquiétude sur la nature du lien social. C'est-à-dire qu'une société individualiste, c'est une société qui vit dans l'angoisse d'émanciper toujours plus les gens dans le danger de faire disparaître les liens entre les gens. Tandis que, émancipant toujours plus les gens, cette émancipation produit des formes sociales extraordinairement contraignantes pour chacun des individus, et qui leur impose d'être des individus d'une certaine manière et pas d'une autre, ce que j'appelle la phase d'autocontrainte systématiquement cachée dans l'autonomie. Cette autonomie que s'il y a autocontrainte. Et c'est cette forme-là, hein, qui est extraordinairement présente et qui écrase de l'intérieur les individus d'une manière dont je soutiens qu'une analyse en termes de surmoi, d'obsessionnalité, de culpabilité ne suffit plus à rendre tout à fait compte chez l'individu normal. J'insiste bien, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des formes de folie extrême qui ont changé. Je suis en train de dire que c'est la souffrance d'être normal qui n'a plus la même allure. Je ne m'intéresse pas à privilégier les cas exceptionnels de folie singulière qui n'aurait pas existé. Non, c'est l'effet douloureux et pénible que ça fait d'être normal qui m'intéresse. Et donc, lorsqu'on me dit, tu ne vois pas que le sujet n'est pas l'individu, je réponds, la personne qui me pose cette question ne se rend pas compte que les mots même qu'elle prononce sont des mots qui sont totalement imprononçables dans une société holiste, par exemple, dans une société en caste, etc., dans laquelle aucun individu ne pourrait se permettre de questionner radicalement la nature même du lien entre les individus. C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus individualiste que l'affirmation selon laquelle Lacan, avec la notion d'individu, aurait transcendé les anciens enjeux de l'individualisme. Simplement, c'est pas le contenu, c'est la performance, c'est l'acte même de dire les choses. Les gens ne voient pas, on ne voit pas dans quelle société on vit pour pouvoir poser une question de ce genre. Indépendamment du fait, comme vous savez, que la psychanalyse n'a jamais pu se développer de façon fructueuse que dans des sociétés où les idéaux individualistes étaient extraordinairement prégnants. Bon. Quelle que soit la variété de ces idéaux. C'est pas pour rien que c'est très fortement marqué aux États-Unis ou en France, c'est où il y a vraiment des conceptions puissantes de l'individualisme, où on peut considérer qu'au fond, Lacan, par exemple, c'est vraiment un lecteur des Durkheimiens de la deuxième génération, c'est quelqu'un qui était profondément imprégné par Mauss et par les élèves de Mauss, les élèves de Durkheim. Alors, le thème sur lequel je voudrais maintenant me concentrer, parce que c'est un truc qui nous est cher, ça a certainement joué un rôle dans les analyses de tel, c'est à la fois un cliché, mais un cliché qui n'est pas un cliché, qui est pas quelque chose dont on peut se débarrasser comme un cliché, mais qui est un vrai point d'arrivage de l'envie de faire de la psychanalyse chez beaucoup de gens, de la signification même de l'exercice chez beaucoup de praticiens, des raisons pour lesquelles on consulte tous, etc. C'est l'idée qu'en psychanalyse, et c'est l'approfondissement de la distinction qu'il y a entre le sujet et l'individu, en psychanalyse, le symptôme, ce serait justement ce qui se produit là où le social ne peut plus fonctionner autrement qu'en marginalisant, en faisant souffrir un être singulier, un sujet singulier. C'est-à-dire que le symptôme, ce serait la marque de l'irréductibilité à la socialisation et aux idéaux de la socialisation d'un individu. Il y aurait quelque chose dans le symptôme à isoler qui serait le reste singulier du processus normatif de la civilisation des mœurs ou de la civilisation de l'esprit, et que l'idée que comme ça le symptôme est une forme d'insurrection, où quelque chose de la jouissance du corps singulier d'un être humain vient se mettre en excès ou en défaut par rapport à une contrainte sociale normative, est un motif extrêmement puissant de l'enseignement en psychopathologie psychanalytique, permet de faire toutes sortes de liens d'ailleurs entre Freud et Lacan et même Foucault, etc., et que ça culmine dans l'idée qu'au fond, ce qui fait que le symptôme est radicalement subjectif, c'est quand il est asocial, et quand il est asocial, même au sens, ou petit a social, si on y est en jouant sur le petit a, sur le a privatif, justement, au sens où même dans une société individualiste, comme dans n'importe quelle autre société, le sujet pourrait se présenter comme ça en exception. Par son symptôme, par la souffrance de son symptôme, faire valoir une jouissance du corps qui ne se loge pas dans le processus de normalisation sociale. Alors, je vais voilà mon point de départ, et voilà, et pour conclure le séminaire de cette année, et le boucler sur son début wittgensteinien, je vais vous parler aujourd'hui d'une possibilité comme ça que je soulève spéculative, d'avoir recours à un concept assez branchouille, qui est le concept de care, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a toutes sortes de versions sur le care, sur les éthiques du care, pour essayer de vous faire valoir en quel sens la dimension de la psychothérapie pourrait être autre chose que cet alliage déclassé, vulgaire, opposé à l'or pur de la psychanalyse. Et d'une certaine manière, dans le contexte des enjeux à la fois politiques et pratiques de ce que j'appelle l'autonomie condition, trouver une authentique validité. C'est-à-dire que la psychothérapie pourrait être une des formes du care. Alors, je vais vous expliquer d'abord ce que c'est que ce que j'appelle le care. Bon, je me servirai d'un truc très classique c'est l'opposition des éthiques du care aux éthiques de la justice. Donc, je parlerai un peu de John Rawls. Ça s'écrit RWLS, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, On Justice. C'est le grand texte de la philosophie politique et morale qui a dominé la deuxième partie du XXe siècle et qui exprime, je crois, de façon normative assez bien les fondements de l'éthique de la justice dans les sociétés démocratiques. La deuxième chose que j'aborderai, c'est comment justement se fait la connexion, to care en anglais, hein, c'est beaucoup de choses, mais c'est essentiellement le soin, les égards, l'attention. Être attentionné, plutôt que simplement faire attention au sens de la vigilance ou des choses comme ça. Et comment, effectivement, autour de ce questionnement-là, vous reconnaissez tout ce que les gens n'aiment pas, hein, du côté de la psychothérapie, son côté empathico-charitable gnangnang, qui apparaît comme étant tout à fait incompatible avec une certaine sentiment de la séparation tragique, de la solitude, etc., qui est quand même assez normatif dans la description du fonctionnement de ce que c'est qu'une analyse, bon, autour du deuil, autour des choses. Ensuite, je ferai une transition un peu délicate qui est liée, bon, aux gens avec qui je travaille sur ces questions en philosophie morale, qui est de revenir à Stanley Cavell, dont j'étais parti au début de l'année, et de vous donner quelques indications de ce que c'est que l'interprétation cavellienne du care, qui est quelque chose qui est porté, il n'y a pas que Cavell qui en parle, il y a aussi Iris Murdoch, hein, qui est là, l'écrivain, qui est aussi, comme vous savez, vous ne savez peut-être pas, une des grandes étudiantes de Wittgenstein, hein, c'est quelqu'un qui est un philosophe de la... C'est pas simplement une romancière connue, c'est aussi une des très grandes philosophes morales d'aujourd'hui qui publie des articles que personne ne lit, à la différence de ses romans, mais enfin, qui est considérée comme une référence absolument centrale dans la discussion des éthiques inspirées de Wittgenstein, ou des gens encore moins connus qu'elle, comme Cora Diamond, et puis quelqu'un qui est français, dont vous avez sûrement entendu parler, c'est Sandra Logier. Et donc, j'essaierai de vous montrer un peu comment, notamment Sandra Logier a beaucoup travaillé sur Goffman, hein, sur la sociologie interactionniste et sur Goffman, en montrant qu'est-ce que c'est que le changement de perspective radicale qui est impliqué par les éthiques du care, et qui va bien au-delà de l'éthique, qui est une mutation de la façon dont on pense le social, dont on pense les liens sociaux, dont on pense le soi, dont on pense la sensibilité, l'affectivité, etc., et qui, de fil en aiguille, présente une critique absolument systématique des bases métaphysiques de l'éthique et de la politique. Et c'est à partir de cela que je conclurai en faisant une connexion avec Bion, et en vous montrant en quel sens que j'essaie d'apporter chez Bion, et pourquoi, de manière sur des concepts assez précis, me semble être offrir des instruments intéressants pour penser ce que c'est que la psychanalyse auprès, cette condition anthropologique particulière que j'appelle celle de l'autonomie condition. Alors, quand on parle d'éthique de la psychanalyse, ça sera mon premier point, je ne vais pas parler de Kant avec Sade, comme j'ai fait il y a de nombreuses années, ou des choses comme ça. Je vais juste essayer de le situer dans le champ des choix éthiques possibles et du type de valeurs ou de normes qui sont véhiculées très fortement dans une filiation explicitement existentialiste, d'ailleurs chez Lacan, parce que tout ça a été forgé à l'époque où il fallait détourner les jeunes de Sartre pour qu'ils viennent au séminaire, hein, écouter Lacan, et donc où il fallait parler, hein, à quelque chose qui répondait explicitement aux critiques sartriennes de la psychanalyse, à ce que c'est que, que l'existence, etc., et qui récupère beaucoup, vous l'avez remarqué, hein, chez Lacan, énormément de thèmes existentialistes qui sont bien au-delà de ceux de Sartre, ceux de Heidegger, ceux de Kierkegaard, etc., et qui est presque une relecture heideggerio-kierkegaardienne de la psychanalyse, qui est indispensable pour tout simplement parler à des gens de votre âge, hein, et pas aux vieux croulants, comme dans les écoles de psychanalyse déjà de l'époque. Alors, cette éthique-là, c'est une éthique qui a énormément valorisé, et c'est un fil conducteur que vous observerez facilement, ce que Winnicott appelle la capacité à être seul. C'est-à-dire que ce qu'une psychanalyse apporte, c'est face à l'adversité, au retournement de la fortune, la capacité à être seule. Et elle a tendance à, finalement, lorsqu'on la prend sous un angle où elle est évidemment fragile, c'est-à-dire des phénomènes sociaux, que le groupe, hein, que ça a occasionné, dont je me moquais la dernière fois, hein, quand je vous racontais les différentes formes de fin d'analyse que j'ai vues en 30 ans de fréquentation de ce milieu, des positions subjectives qui sont au fond celles d'un hyper-individualisme, voire d'un exceptionnalisme de la position subjective, qui a beaucoup de figures, beaucoup de figures. Incontestablement, dans les années 70, une des figures qu'on voit passer comme ça, c'est celle du révolutionnaire solitaire, hein, sur un mode plutôt d'ailleurs trotskiste que léniniste. Hein. Ça a pu être chez Michel de Certeau, qui en a fait très bien le rapprochement quand vous lisez la préface de la fable mystique, celle du mystique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'affinité étrange qui frappe incroyablement Michel de Certeau entre la position de l'analyste dans une société, la société de son temps, et la position du mystique dans la société du XVIIe siècle, par exemple. Cette espèce de, avec ce rapport à l'exceptionnalité, à la singularité. Ça a pu être, dans des versions diverses et plus ou moins bienvenues, le sage, hein, un peu comme si les écoles psychanalytiques fonctionnaient comme des écoles à l'antique, n'est-ce pas, au sens de l'école antique, et où, sur un mode tantôt plutôt stoïcien, tantôt du sage épicurien, on pouvait produire des figures de l'indépendance, hein, absolument puissante comme ça. Ça peut être aussi une figure qui est plus, je dirais, plus basale, plus basique, et qu'on connaît tous, c'est-à-dire, au fond, la personne qui a reçu... qui a traversé une analyse, quand elle se regarde dans le miroir, elle peut se regarder, par exemple, sur le mode d'un anti-héros existentialiste. C'est-à-dire c'est celui dont on ne saura jamais à quel point rester marié, ne pas se suicider, ne pas boire trop, représente quelque chose d'aussi extraordinaire que résister aux nazis, à la torture, ou à Dieu sait quoi, hein. Parce que finalement, ça aura été une épreuve totalement héroïque, totalement secrète, totalement solitaire, qui n'a d'autre spectateur que celui très personnel, très intime, qui sait ce qu'il en aura coûté. Il en aura coûté ce qu'un être humain peut produire de plus difficile dans une existence. Bon. Et c'est souvent d'ailleurs, hein, je veux dire, c'est ce qui fait qu'on aime bien les patients. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on aime bien les patients dans la mesure où on est sensible à cette dimension-là. C'est que pour un patient, rester marié, ça peut être aussi difficile que pour Proust d'écrire la recherche du temps perdu, par exemple. Hein, ça peut être aussi extraordinaire comme achèvement psychique et humain, bien que personne n'en entendra absolument jamais parler, par exemple, hein, des choses de ce genre. Alors évidemment, ce que vous voyez bien là-dedans, c'est ces deux traits qui ont été très promus par cette éthique ordinaire de la psychanalyse, que je qualifie d'hyper-individualiste, c'est la combinaison de l'anticonformisme, d'une part. Un analyste, c'est quelqu'un, ou quelqu'un qui a été analysé, c'est quelqu'un qui, quand il suit, qui est potentiellement tout le temps anticonformiste. Et puis d'autre part, effectivement, la qualité de ce qu'on attend de quelqu'un qui a fait une analyse, c'est d'être inintimidable. Voilà, il ne fera pas peur. on lui fera pas peur, on lui fera pas faire ce qu'il ne désire pas faire. Il est inintimidable aussi bien vis-à-vis de ses propres pulsions que, bien sûr, des idéaux sociaux. Et ça, c'est vraiment, je crois, c'est ce qui fait effectivement, réellement, hein, qu'il a cette potentialité à l'anti-conformisme. Alors moi, puisque je me suis foutu de la situation, et je vais continuer, il y a un truc qui m'a toujours énormément frappé, c'est que le critère du grand psychanalyste, c'est que les rendez-vous, il s'en fout. Hein. C'est qu'il dit qu'il va venir, il vient pas. Et il s'excuse jamais. Ça m'a toujours énormément frappé. Ces gens vous disent, ouais, on va venir faire ceci, ça. Ils viennent pas, on les appelle, ils vous envoient ici, enfin, ils s'excusent pas. Alors j'ai appris que c'était Lacan qui leur avait appris qu'on s'excusait pas, etc. C'est pour ça que ça va pas tout à fait dans le sens de l'éthos du gentleman, n'est-ce pas, du cette espèce de never explain, never complain. J'explique pas, je me plains pas. C'est aussi une manière comme ça de. Et que vous trouvez, je pense à l'éthos du gentleman, parce que l'éthos du gentleman et l'hyper-individualisme, c'est le témoignage qu'on a de tous les patients de Bion. Hein, c'est-à-dire que Bion, c'est quelqu'un qui, évidemment, qui a été éduqué comme dans ce qu'on appelle les public schools, hein, qui sont tout sauf public. Hein, on ne peut pas faire plus privé qu'une public school hein, en Angleterre. C'est vraiment Eton, les collèges, etc. Avec des idéaux d'affirmation radicale de l'indépendance et d'exigence individualiste absolument forcenée à l'égard du refus d'obéir à aucune espèce de règle, de norme qui ne soit pas. Cette culture du jeune officier, hein, comme il raconte dans ses mémoires, du jeune officier qui sort des public schools avec cet ethos extrêmement singulier, cet anticonformisme. C'est une anecdote qui m'avait été racontée, j'espère que je ne radote pas trop, n'est-ce pas ? C'est quand Bion faisait des séminaires dans le Midi de la France, chaque fois que midi sonnait, hein, tous les jours, il arrêtait son séminaire, il se rendait sur la place du petit village et il se mettait au garde à vous pendant une minute devant le monument aux morts. Alors qu'il avait 75 à 80 ans. Hein. C'est-à-dire que les gars qui étaient morts là, pendant la guerre de 14, il était de leur côté. Et si vous n'êtes pas content, allez vous faire foutre. Il y a un côté comme ça, on arrête le séminaire et il y a cette espèce de. Ce type d'anglais, ce mot garde à vous devant un monument, mais un coq dessus, vous voyez, dans un village du midi. Les gens regardaient ça stupéfaits. Mais c'est ça, l'anticonformisme. Le choix, voilà, ça c'est typique du British. Et on voit hein, ça, je raconte dans Âme scrupuleuse, vie d'angoisse, tristes obsédés, je parle d'un piscinement de Bion, mais chez Sassoon ou chez des gens comme ça, on voit très bien ce que c'est que les officiers qui ont été traînés, le type de rapport au traumatisme en particulier qui était construit dans cette caste sociale bien spécifique. Alors, ça n'a jamais empêché, ce que je vous raconte là, de ces idéaux hyper individualistes, ça n'a jamais empêché les gens de s'imaginer que ce qui était gagné par une cure était une sorte de distance par rapport ou de jouissance gagnée contre la soumission au lien social. Alors qu'on peut tout aussi bien dire que c'est ce qu'il y a de plus socialisant dans une culture individualiste que de permettre ce type de comportement. Et je dirais ainsi que si la psychanalyse n'a certainement pas inventé un nouvel érotisme, elle a certainement, et ça je crois qu'on peut quand même le mettre au crédit de son développement, elle a créé des formes radicales de civilité ou d'incivilité hein, si vous pensez au rendez-vous de civilité extrêmement authentique. Il y a quelque chose là, une figure dont j'ai parlé du mystique, du dandy, du sage, du révolutionnaire, etc. Il y a quelque chose des potentialités de ce que peut produire une culture individualiste qui culmine dans la production de la personne psychanalysée ou du psychanalyste. Alors, j'insiste bien, ce dont je vous parle là, on pourrait dire, c'est des clichés sociaux. Ce n'est pas, je pense, ce qui fait la force et l'intérêt réellement, authentiquement sociologique de la chose, c'est que ce n'est pas des clichés. C'est du réel. C'est vraiment du réel. Il y a des gens comme ça. Et non seulement il y a des gens comme ça, mais c'est même une des conditions du transfert. C'est-à-dire, ce dont je parle est manifeste dans la voix, dans les habitus corporels de l'analyste, sa manière d'être inintimidable, sa manière d'être anticonformiste, est totalement cruciale dans la possibilité même qu'un transfert s'amorce sur quelqu'un. Et donc on ne va pas dire c'est juste des images sociales et réduire ça à des effets, vous voyez, des effets presque de romans de mœurs où on pourrait se moquer à la Flaubert des gens. C'est une condition réelle du transfert parce que ça se voit dans la voix, dans la prestance, dans les écrits, etc. Et que les ancrages les plus profonds et la possibilité qui est transfert, donc qui est résistance, parce que le transfert, c'est une résistance, mais aussi des déclenchements passionnels dans le transfert, des érotomanies, des persécutions, est étroitement lié au fait que là, on parle, c'est pas du vent, c'est pas du chiquet, c'est le réel même de ce qui est posé. Ça, quand je dis le dandy, l'anti-héros, le révolutionnaire, le psychanalyste s'inscrit là dans une série qui produit des effets sociaux. Ce n'est pas du tout des images. Et ça s'apprécie en termes de la texture, de la texture d'être de quelqu'un. C'est en ce sens où je veux dire, si on n'a pas créé, si la psychanalyse n'a pas changé probablement grand-chose à l'érotisme de l'homme moderne. En revanche, les modalités de la civilité, le type de relation possible qu'il peut y avoir avec un autre être humain en a été, je crois, réellement affecté. Alors, tout ça donne une idée d'une chose très simple, c'est que les éthiques ou les possibilités éthiques qui se dessinent à l'horizon de ça sont des éthiques profondément individualistes et même hyper individualistes qui sont exactement logées dans ce que j'appelle l'autonomie aspiration et où ce sont des destins qui s'accomplissent. La vie est pensable comme un destin qui s'accomplit. Bon. Chose qui est gravement mise en péril dans ce que j'appelle l'autonomie condition. Ce que je vais maintenant faire, c'est aborder le Caire vous allez voir pourquoi, en abordant le Caire comme étant au fond un courant de pensée qui s'est alors pas explicitement inspiré de la distinction, pas du tout même, que je fais entre autonomie condition et autonomie aspiration, mais qui s'est très fortement inspiré d'une critique de l'injonction à l'autonomie, considérée comme quelque chose d'essentiellement destructeur et mortifère, comme quelque chose qui dissimule des aliénations, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau social, et qui les dissimule d'autant mieux que c'est accompagné de l'idéalisation aveuglante de certaines vertus, qualités, etc., au détriment d'autres vertus et qualités qui sont dégradées. Une manière de bien le faire valoir, c'est ceci. C'est les fameuses, pour ceux qui lisent cette littérature, querelles entre éthique du Caire et éthique de la justice, et tout ça singulièrement, la critique presque, je dirais, rituelle dans les grands textes de l'éthique du Caire, de Joan Tronto de Carol Gilligan, même à la limite à Joan Tronto, de Rawls et du contractualisme rawlsien. Qu'est-ce que c'est que le contractualisme de John Rawls, qui est quelque chose qui puise ses sources vraiment à la grande philosophie politique occidentale, à Rousseau, d'Aristote à Rousseau, d'une certaine manière. C'est une version moderne du contrat social, guéri, en quelque sorte, d'un certain nombre de vices ou de défauts du point de vue de la philosophie analytique du droit et de l'éthique qui avait chez ses prédécesseurs et qui s'efforce de penser les conditions d'émergence d'une société juste dans les termes d'un individualisme rigoureux. Et alors, le cœur extrêmement célèbre du choix des principes de justice dans une société, chez John Rawls, c'est ce qu'on appelle le choix de ces principes de justice sous un voile d'ignorance. C'est-à-dire, on se place dans une situation idéale, fictive, c'est une pensée contractualiste, mais ce n'est pas l'état de nature par opposition à l'état civil, comme chez Rousseau, Hobbes, etc. C'est la situation suivante. On demande à quelqu'un, à chacun des individus, d'élaborer les principes, de choisir quels sont les principes de la justice dans une société dont ils vont faire partie, mais en ignorant quelle sera leur place dans cette société. Ça se fait donc sous un voile d'ignorance. Et c'est ce voile d'ignorance qui est la condition pour que, de manière humaine, finie et aussi raisonnable que possible, les choix sur les principes de justice soient opérés d'une manière à ce que on mette entre parenthèses ce qui pourrait être la possibilité pour l'individu de profiter de la société dont il a dicté les principes de justice. Et ce que suppose l'argument du choix des principes de justice dans une société sous le voile d'ignorance, c'est, bon, qui est très, je vous le simplifie, il y a le rapport à autrui, enfin, il y a plein de choses qui sont plus sophistiquées, mais c'est ceci, c'est qu'on s'auto-détermine, on s'auto-détermine dans une solitude profonde, en fonction des règles qu'on va s'imposer à soi-même, on constitue donc un espace de l'autonomie de la société, en soutenant un rapport à la loi et l'universel, dans justement cette figure de l'autonomie et de l'acceptation de règles qu'on s'est données, quelles qu'en soient les conséquences concrètes pour soi-même quand on va effectivement rentrer dans la société en question. Alors, les critiques, de l'éthique, les critiques du Caire, qui sont, comme vous savez, au départ des critiques féministes, ce qui a permis évidemment de rigoler, etc., de considérer ça comme marginal, américain, etc., se sont intéressés beaucoup au fait qu'au fond, ce qu'on avait dans un modèle aussi prégnant, qui a inspiré, il faut quand même pas le négliger, des grands principes constitutionnalistes dans tous les pays développés. Quand on parle de Rawls, on n'est pas en train de parler d'un gugus dans un bâtiment anglo-américain de la Nouvelle-Angleterre qui ne parle qu'à trois étudiants. Ça a imprégné profondément la réflexion juridique constitutionnaliste en Europe, aux États-Unis, dans le reste du monde. Ce sont des arguments extrêmement puissants qui se connectent au système de droit, qui à l'économie, à des interprétations de ce que peuvent être les économies de marché dans des régimes démocratiques. Enfin, c'est extrêmement puissant comme pensée. Et c'est pour ça que c'est dominant. Les penseurs... Les penseurs du Caire ont dit, au fond, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? On retrouve, ben justement, ce qu'on retrouve dans Aristote. C'est-à-dire qu'il y a une classification des degrés de noblesse et de dignité de l'action. Et que sont considérés comme suprêmement nobles les actes d'autodétermination politique et éthique. Et que cette hiérarchie des actions fait que quantité d'actions qui sont essentielles à la continuation et à la préservation de la vie sociale deviennent, de manière subreptice, inévaluables, tant sur le plan politique que sur le plan moral. Et en particulier, comme chez Aristote, toutes ces actions qui permettent, qui soutiennent l'édifice, qui permettent tout en haut d'avoir une activité d'autodétermination chez le citoyen, qui sont les activités de la famille, les activités du soin des individus, de l'élevage des enfants, de tenir les maisons, l'intérieur, tout ce que Aristote subordonne explicitement comme ayant une valeur d'accomplissement inférieure dans sa théorie de la cité, qu'il cantonne aux femmes, et éventuellement d'ailleurs aux esclaves, puisque le rapport de l'homme à sa maison est homologue au rapport de la femme à son intérieur, et qu'elle est l'homme est le chef de la maison, comme la femme est le chef de la maisonnée qui commande aux esclaves, avec une gradation, une hiérarchisation à la fois des actes en valeur et des personnes. Bon. Et évidemment, ça a intéressé fondamentalement les féministes, en disant qu'au moins Aristote est conscient d'une chose, c'est qu'on a le plein exercice de la citoyenneté dans le régime qui s'appelle l'isonomie, hein, tout le monde sous la même loi, uniquement entre hommes, chefs de famille, etc., que parce qu'il y a des économies domestiques, des familles, et que ça repose sur une pyramide. Tandis que dans les sociétés contemporaines, où la hiérarchisation des degrés de dignité des actions et leur répartition sexuée est quand même infiniment moins visible et affirmée dans la théorisation aristotélicienne, c'est totalement dissimulé. Et ainsi, les éthiques du Caire sont des éthiques qui insistent au départ, pour ça que c'est des éthiques féministes, sur toutes ces actions qui consistent à prendre soin des gens, des enfants, à faire toutes ces choses qui sont inévaluables du point de vue éthique ou politique. Ou alors, on dit on va payer un peu plus cher les infirmières, etc. Alors que la continuité même de la vie suppose, avec une assiduité, une constance, une vertu permanente, qu'on s'occupe de ces choses-là. On s'occupe des enfants, des vieillards, de faire la cuisine, de ranger. Et par exemple, quelqu'un qui fait la cuisine, c'est un acte. Vous pouvez pas dire que ça a une signification éthique ou particulière. Alors, j'en parlerai tout à l'heure à propos d'une anthropologue indianiste qui s'appelle Vina Das, là, qui a publié des travaux. Vina Das, par exemple, c'est quelqu'un qui a travaillé en Inde sur les moments de violence paroxystique qui ont traversé l'Inde, la grande partition entre le Pakistan et l'Inde, les pogroms antisiques après l'assassinat d'Indira Gandhi, hein, où il y a eu des scènes d'une sauvagerie inimaginable. On se croirait, c'est la Russie blanche rentrant dans les villages juifs de la fin du 19e siècle, enfin, avec des massacres abominables, hein, sur les Sikhs. Parce que c'est des gardes du corps sikh qui avaient assassiné Indira Gandhi, et les Indiens sont rentrés dans le quartier sikh de Delhi et ont massacré abominablement hommes, femmes et enfants. Ça a été un truc épouvantable. Et elle disait, elle raconte justement comment, au fond, une fois que tout est détruit, elle attire l'attention sur la façon dont les femmes vont, malgré les deuils, les pleurs, les maris, les enfants, les frères perdus, etc., faire des choses aussi bêtes que préparer à manger. Prendre trois bouts de bois dans une maison, mettre une toile par-dessus et coucher les bébés survivants. C'est-à-dire comment quelque chose qui est inévaluable du point de vue éthique, une fois que toute la société s'écroule, hein, finalement, il s'aperçoit qu'est-ce qui assure la continuité de la vie, ce sont ces actes-là. Ce sont ces actes qui sont fondamentalement rendus invisibles, comme sont rendus invisibles les acteurs qui assurent la continuité du monde et qui réparent en continu le monde déchiré par la violence politique qui s'est déchaînée. Et elle en a fait un objet anthropologique, c'est-à-dire pourquoi on ne voit pas ça ? Pourquoi on ne voit pas ça dans les convulsions politiques de l'Inde moderne, n'est-ce pas, le travail du retissage permanent de l'existence. Alors, j'attirais votre attention sur le fait que quand vous faites la liste de ce que c'est que ces actes inévaluables éthiquement et qui sont engagés dans la continuation et la préservation du monde, ranger, laver, s'assurer que tout va bien, etc., vous faites quoi ? La liste des tocs. Faites bien attention à ça. La liste des tocs. Prenez les descriptions de ce que les gens font, de ce que c'est que vérifier que ça tient debout, etc., qu'il faut laver, qu'il faut préparer, qu'il faut vérifier que c'est propre, qu'on ne va pas tomber malade, etc. Vous avez, c'est complètement stupéfiant, le checking, le washing, toutes ces activités stériles et dévalorisées qui sont celles qui, en réalité, assurent la continuité souterraine de la vie auquel on s'intéresse, de la vie auquel on attache de l'importance. Celle où on va discuter des grands sujets, des causes de la grandeur et de la décadence des empires, etc. Alors, c'est ça que je trouve tout à fait frappant. C'est qu'il y a beaucoup de choses, et d'ailleurs je suis sauvé, moi-même tombé dans ce piège, en disant quand même, les tocs modernes, ils sont vachement automatiques, c'est pas les rituels super sophistiqués qu'on trouve dans Freud, avec des gens qui se posent des questions super culpabilisantes, qui répètent qui se défendent contre des pulsions sexuelles ou des pulsions d'agression extrêmement puissantes. Et peut-être, est-ce que c'est là un biais qui nous empêche de voir, au fond, ce qui est engagé éthiquement dans une action, mais au sens d'une... et aussi du fait, je vous rappelle, que la grande différence entre les tocs modernes et les névroses obsessionnelles freudiennes, c'est le nombre des femmes. C'est massivement des tocs de femmes, ce truc-là. Massivement. Et que c'est pas les mêmes profils, vous voyez, qui sont engagés. Enfin, je laisse cette chose-là, mais l'idée du perfectionnisme dans ces tâches infra-éthiques de vérification du gaz, de l'électricité, de la fermeture de la porte, de la propreté, que tout soit bien rangé, bien à sa place, et avec ce que Freud appelle joliment la psychose de la ménagère, n'est-ce pas ? La psychose de la ménagère, la mère de Dora, aimablement gratifiée de ce diagnostic, psychose de la ménagère. Je ne sais pas si c'est une invention freudienne ou si d'autres psychiatres en parlaient, mais c'est l'expression qu'il emploie. Voilà, c'est tout de suite, vous voyez le type de dégradation. C'est même pas une névrose obsessionnelle, c'est la psychose de la ménagère. Elle n'a même pas droit à la névrose obsessionnelle. C'est un truc de mec qui est coupable, qui a des représentations, des idéaux, etc. Et alors, c'est ça ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, évidemment, si vous réduisez cela à une espèce d'enjeu de philosophie féministe subversive, ça va pas bien loin. Si vous vous apercevez qu'au fond c'est une mise en question d'une certaine vision du monde utilisant le levier féministe et attirant l'attention sur le fait que sont devenus éthiquement et politiquement inévaluables des actes qui sont constitutifs de ce qu'on appelle en anglais « the maintenance of the world », c'est-à-dire à la fois l'entretien, le maintien en bon état, la possibilité qu'il s'y passe quelque chose, c'est qu'il y aura à manger, c'est que les enfants seront couchés, c'est qu'on aura fait, on se sera occupé du vieillard, des choses de ce on aura pris soin de tout ce dont il faut prendre soin pour que quelque chose de la vie, la invisible dans son écoulement le plus invisible continue à s'écouler. Tout d'un coup, vous voyez qu'on a franchi un peu, on s'aperçoit qu'on est entré dans un espace extrêmement différent. Et cet espace, c'est celui qui est bien marqué lorsque les éthiques du care insistent sur la vulnérabilité. C'est-à-dire, elles mettent les éthiques du care, la vulnérabilité au centre du monde, à la place du monde éthique, à la place de l'autonomie. Et elles disent, il ne saurait y avoir d'autonomie que dans un monde essentiellement vulnérable, où l'autonomie est protégée contre tout ce qui la rend vulnérable, où les êtres vulnérables reçoivent l'appui et le secours qui leur est nécessaire. Mais pas des vulnérables réifiés, comme si c'était une catégorie particulière de la population, ce qui est évidemment le côté humaniste bêlant du Caire à la Martine Aubry. Ça, on va s'occuper du Caire pour s'occuper des vulnérables, des pauvres, etc. C'est que c'est la condition humaine qui apparaît, qui est essentiellement appréhendée à partir de la question de la vulnérabilité, au lieu de celle de l'autonomie. Et, bon, alors, comme Sandra Logier l'a fait, moi, dans différents textes, aussi, ce qui nous intéresse fondamentalement en philosophie de l'éthique, philosophie de la morale, c'est notamment la question de la vulnérabilité de l'action, la vulnérabilité d'un acte de parole. On dit « je promets », et alors on dit « je promets, ça marche, si vous avez le statut qu'il faut, les circonstances appropriées, etc. » Mais réfléchissez 5 minutes. Quoi de plus réellement vulnérable que les circonstances, qu'un statut, etc. Si vous parlez d'une promesse, d'un baptême, d'un engagement, etc., vous êtes nécessairement obligé de penser à une condition de vulnérabilité. Et aux vulnérabilités de l'individu même, de la consistance de la personne, de l'agent qui va pouvoir maintenir ce genre de choses. Et cette vulnérabilité à la fois des actions et du monde constitue un contre-modèle radical qui a été transformé par les éthiques du Caire en un instrument théorique de critique systématique de la référence à l'autonomie en droit, en politique, etc. Je crois que c'est un instrument extrêmement pertinent, en particulier pour offrir de quoi penser ce qui ne va pas et ce qui fait souffrir et ce qui est la vulnérabilité constamment déniée de l'homme de l'autonomie condition. C'est-à-dire que quand l'autonomie est une condition de la dignité, c'est que vous ne pouvez être rien d'autre qu'autonome, la vulnérabilité de l'homme de l'autonomie condition est quelque chose d'absolument sidérante. Or, ça n'est pas du compassionnel, hein, c'est pas du charitable. Ça consiste pas à dire qu'on va prendre soin des autres. Ça consiste à modifier complètement la position qu'on a dans le rapport au langage, à la vie, au corps d'autrui, à son corps, etc., en rappelant que toute autonomie se constitue dans la finitude et dans la dépendance, avec des effets d'aveuglement idéologique sur cette dépendance et sur cette finitude. L'autre chose qui est extrêmement frappante, c'est que la vulnérabilité en question, c'est une vulnérabilité qui, de proche en proche, si j'ose dire, ne concerne jamais seulement les institutions, mais la forme de vie, la manière même dont nous pouvons être affectés par ce qui se passe chez l'autre. C'est un truc alors complètement majeur chez Vinadas, puisqu'elle vit dans une société où, même si officiellement les castes ont disparu, dans la réalité, les castes sont extraordinairement présentes, et que ce que c'est qu'être un intouchable, ce que c'est qu'être un sikh devant une foule d'Indiens armés de bâtons et de couteaux, c'est-à-dire une pièce de viande qu'on va mettre en morceaux impunément, c'est des choses auxquelles elle était extraordinairement sensible, elle, en tant qu'anthropologue. Hein, est-ce qu'on partage une même forme de vie dans une société de caste, une société hyper violente, où les inégalités sont monstrueuses, etc. Est-ce que les êtres humains là, qui vivent ensemble, vivent ensemble? C'est quoi la forme de vie commune? Et ça inclut tout ce qui est sensible. Qu'est-ce qui nous est sensible? Par exemple, ça inclut les animaux qui sont proches de nous. C'est-à-dire la possibilité, notamment en Inde, pour un schizophrène, de se transformer en singe, par exemple, c'est d'occuper cette place de l'animal. Ça, c'est un des exemples les plus célèbres de Vinadas, où elle décrit comment un Indien schizophrène, marginalisé, va se mettre à bouger comme un singe, à se laisser pousser des poils, la barbe, etc., à vivre la nuit, à venir dans les maisons la nuit avec des mouvements de singe voler les fruits, par exemple, s'installer dans une périphérie du monde vivant où il reste dans ce rapport de co-affectation comme ça, parce qu'on traite l'animal comme faisant partie cosmologiquement du monde sensible, et il intègre le fait que ses paroles de schizophrène ne sont plus entendues, ne font plus partie du tout de la communauté, comme il était sorti du monde du langage. Il est sorti du monde du langage conventionnel, mais il occupe cette zone liminaire en s'identifiant à un singe. Et donc, c'est toute une forme de vie qui est traversée, en réalité, de vulnérabilité de toutes sortes. Et là, on arrive ainsi à ce que je voulais vous, en en partant de ce que tout le monde a entendu dire sur le Caire, jusqu'à ces enjeux de transformation du rapport, des concepts métaphysiques les plus fondamentaux, à l'interprétation qu'a proposée Cavell de la notion de Lebensform de Wittgenstein, de forme de vie, qui est une notion, la notion de forme de vie, qui est très souvent réduite chez les commentateurs à, ben voilà, c'est les formes instituées de vie, c'est le langage qu'on partage, etc. Et Cavell a refusé cela, et il a traduit Lebensform, enfin, form of life. Et moi, quand j'ai traduit, j'ai mis forme de vie avec un V majuscule, pour insister sur le fait qu'avant qu'il puisse même y avoir quelque chose de l'ordre des règles sociales qu'on partage, auxquelles on obéit, etc., il y a cette entre-affectation vivante, ce fait de se sentir appartenir à un même monde, de prendre soin, on va prendre soin d'un animal domestique, on ne va pas prendre soin des huîtres. C'est le fameux exemple de Descartes, n'est-ce pas ? Les gens qui vous disent « les animaux ne sont pas des machines », Descartes dit « et les huîtres, alors, les huîtres, c'est des animaux, hein ?» Bon, alors ça s'ouvre et ça se ferme. Hein. C'est, bon. Donc, Descartes, il prend l'exemple des huîtres pour se foutre de la gueule des gens qui ne se aperçoivent pas que les animaux ne sont que des machines dépourvues d'âme. Hein. Sa malbranche va plus loin, n'est-ce pas ? Il prend une bouilloire, il renverse la bouilloire sur le chat, alors le chat, etc. Et vous voyez, il grince. Bon, donc c'est vrai, il y a des mondes dans lesquels le partage entre les hommes et les animaux ne passe pas dès le XVIIe siècle, tout à fait par les mêmes bords. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'idée de forme de vie, c'est ce que nous découvrons comme étant susceptible de nous émouvoir, de nous affecter, et qui dépasse simplement notre humanité, qui s'étend jusqu'aux formes sensibles, jusqu'à des seuils où nous acceptons de reconnaître la sensibilité, n'est-ce pas ? La souris, ça va, le poisson, je commence à avoir des doutes, le mollusque, j'en ai au plus aucun. Je les bouffe crus avec du citron, sans impunément. Il y a là comme ça des éloignements dans les formes de vie qui sont le témoignage du monde que nous habitons réellement, en quelque sorte, de ce qu'on ne pourrait pas déduire. Hein, on ne peut pas le déduire. On ne peut pas tracer a priori la limite. On la rencontre en vivant, en pratique et avec les autres. De jusqu'où s'étend le monde sensible, le monde auquel nous sommes sensibles, qui est sensible à nous, etc. Et qui est évidemment pas du tout le même celui de la culture. Alors, c'est cette sensibilité-là à la forme de vie dont vous voyez qu'elle dégénère, et je pèse mes mots, en charité ou en empathie. Qu'est-ce que l'on n'aime pas dans l'idée gnangnang de psychothérapie, là, d'aller s'occuper du moi de l'autre et d'aller lui polir les aspérités, lui taper sur l'épaule, etc. Ce qu'on n'aime pas, c'est cette dimension de charité, etc. On laisse ça aux infirmières, et les infirmières laissent ça d'ailleurs aux aides-soignants, c'est-à-dire qu'on dégringole, n'est-ce pas, l'échelle sociale. Quand il s'agit simplement d'aller s'occuper des vieux chroniques dans un hôpital, par exemple. Le psychiatre s'échange sur le psychologue, l'homme sur le psychologue femme, la femme sur l'infirmière, l'infirmière sur l'aide-soignante, et puis l'aide-soignante, elle passe le balai derrière. Vous voyez, il y a une dimension que vous connaissez bien dans le quotidien de dévaloriser en acte. Hein, c'est ça qui est engagé dans le problème du père. Or, je crois que si on veut, et dès qu'on essaie de réhabiliter le care, vous voyez tout de suite que les objections sont c'est de l'empathie, c'est de la charité, c'est du compassionnel, vous voyez, hein, c'est dans l'échelle des valeurs de l'action humaine ce qu'il y a de plus sentimental, de plus dévalorisé, etc. Alors, évidemment, un psychanalyste qui s'amuserait comme ça à être un petit peu trop proche, un petit peu trop compassionnel, etc., je vous assure qu'il n'a pas intérêt à raconter en contrôle. Là, ça va très mal pour lui. C'est-à-dire que, bien évidemment, on n'est pas dans le compassionnel. Dans les faits, bien sûr, on sait très bien que c'est pas comme ça que ça se passe, et on est quelquefois sidéré devant ce que Lacan était capable de faire, hein, pour telle ou telle personne. D'un côté, il y avait le discours anti-humaniste d'une dureté glaciale, et puis de l'autre, il y avait des pratiques qui vous laissent pantois, quoi. On ne voit même plus la différence entre l'amitié la plus sincère et puis la psychanalyse dans certains actes qui ont été rapportés après. Enfin, dans la théorie, c'est ça. Alors, le problème des maladies ou des souffrances de l'autonomie-condition, l'hypothèse que je vais développer là, hein, toute simple, c'est que je crois qu'il est très important d'y aller par le care. D'y aller par le care. Et par le care en tant qu'il s'oppose au cure en anglais. C'est qu'il y a beaucoup de choses dans l'ordre de la psychanalyse qui restent profondément médicales, l'idée de cure par exemple, ce vocabulaire de la cure, etc. Alors que ce que nous faisons, et ce que nous faisons en particulier avec ces patients qui sont dits chroniques, etc., c'est du care. C'est cette espèce d'attention, de soin. Dont on ne parle pas et dont éventuellement on va les considérer qu'ils ne font pas tout à fait partie de la psychanalyse mais de la psychothérapie parce qu'on est complètement aveuglé par cette hiérarchie des actions, hein, qui est très, très très fortement impliquée là-dedans. Je reprends avec quelques observations sur Erving Goffman, qui est aussi une autre manière de nous guérir de la naïveté compassionnelle des critiques qui sont faites au care. Parce que Goffman, et notamment le concept de carefulness chez Goffman, c'est le grand penseur de la vulnérabilité du social. Goffman, c'est l'observateur du fait que les liens sociaux humains sont extraordinairement fragiles et que nous ne cessons de les réparer. Qu'il y a des accros sans arrêt, et qu'on ne cesse de recoudre et de retisser des liens sociaux, que quand on a dit un mot de travers, on cherche à, ou qu'on a pas fait le bon geste, quand on s'est comporté de la mauvaise façon, on ne cesse de réparer et de recoudre le tissu social qui se déchire, et que l'activité de la description sociologique, dans ce qu'on appelle l'interactionnisme symbolique, c'est de rendre compte, de décrire le plus finement possible dans ces rituels d'interaction, comment la société, le social est toujours au bord de se déchirer et comment nous recousons sans cesse les choses. En corrigeant notre ton, la position de notre tête, en revenant sur quelque chose, en employant un autre mot. Et ce qui suppose la description de la société, c'est « what is going on ?» Qu'est-ce qui continue? Qu'est-ce qui se passe? What is going on? C'est quel est le processus qui se déroule? Processus qui avance de bancal, là, comme ça, mais qui se répare au fur et à mesure, parce qu'il n'est pas question que le social s'arrête. On ne peut pas s'arrêter et dire « Ah non, on s'est gouré, on revient en arrière, on repart sur une bonne base. » On est toujours engagé dans une... poussé de derrière, tiré par devant et bousculé sur les côtés, et on avance en trébuchant, et que c'est ça qu'il s'agit de décrire. Et évidemment, what is going on fait écho, n'est-ce pas, the show must go on, n'est-ce pas, ça doit continuer. C'est comme un spectacle qui doit continuer, quoi qu'il arrive, même si le lustre s'écroule, même si le trompettiste fait une crise cardiaque, n'est-ce pas, comme dans Limelight, n'est-ce pas, ou même quand on meurt sur la scène, Chaplin se mettant dans la position de Molière, mourant en train de mourir dans une maladie imaginaire, the show must go on. C'est là une vérité absolue de l'interaction humaine. Or, ça suppose quoi? Ça suppose justement une perception aiguisée de ce qui est constamment nié dans l'interaction sociale, c'est sa vulnérabilité. Et qui est nié de manière paroxystique dans toutes les théories à la Rawls du contrat social, dans lequel on fait comme s'il y avait des gens qui pouvaient réellement, de manière autonome, décider sous le voile d'ignorance d'une société, quelle que soit la place qu'ils y occupent. C'est uniquement si vous avez une perception aiguisée de la vulnérabilité du lien social que vous êtes vraiment guéri de la croyance qu'on peut tirer de ces choses-là des inférences légitimes sur le bon ordre de la justice. C'est aberrant, parce que nous sommes engagés dans un processus de continuation et de réparation permanente d'un lien social qui est de fait toujours en train de se déchirer. Et que c'est s'en pénétrer pleinement qui est, non pas l'argument intellectuel, mais l'argument vécu, palpable, expérientiel, qui vous guérit de la croyance qu'on peut idéaliser la construction des principes de la justice. Et c'est ce qui fait, et ça c'est très beau chez Goffman si vous en avez lu, c'est ce qui élève le manque de tact ou l'indélicatesse dans les relations à une dimension authentiquement tragique. C'est-à-dire qu'on voit que dans une indélicatesse, une manière, un sourd qui n'a pas réussi à cacher, qui n'entend pas, une personne âgée qui n'a pas réussi à dissimuler que sa mémoire s'en va, que tout d'un coup, dans ces accros-là, ces minuscules accros de la vie, c'est des gouffres qui s'ouvrent, et c'est le danger d'une disparition de la forme de vie humaine, et que les institutions ne se comprennent dans leur nécessité sociale que comme des réparations permanentes de ces petits accros. Vous voyez combien ça s'oppose à toutes les lectures faciles de Goffman qui en font la personne qui aurait objectivé aux limites de la réification des obligations, des règles que suivent les gens qu'on aurait fait apparaître comme ça, sous forme d'habitus impératifs. Non, c'est une conscience de la fragilité et de la vulnérabilité du monde humain qui conditionne cela. Et la béance centrale de ce monde humain, c'est l'impossibilité de disposer d'autre chose que du langage pour réparer les incompréhensions du langage. Le lieu où ça se manifeste de la façon la plus cruelle, c'est que nous n'avons pas d'autre appui que le langage qui nous fait défaut pour réparer les défauts du langage sur lequel nous ne pouvons que nous appuyer pour continuer le processus social. C'est cette espèce de... Le langage, le rapport au langage devient, dans l'interactionnisme, enfin chez Goffman en particulier, le lieu à la fois des accros et de la réparation. C'est à la fois là où se manifestent les accros et la seule chose que nous avons pour réparer ces accros. Et ça... Ça introduit une dimension tragique de la condition humaine qui n'a pas échappé à Cavell, mais qui était déjà très présente chez Goffman. C'est le fait, c'est ce qui explique notre scepticisme. C'est notre conscience de la finitude dans les sociétés contemporaines. Notre conscience de la finitude, elle est pas liée au fait, vous voyez, c'est pas exactement dire qu'il n'y a pas de métalangage, ce que je suis en train, même si le fait qu'il n'y a pas de métalangage se rattache par certains aspects à ce que je viens de dire. C'est l'expérience de la finitude, c'est de ne pas avoir autre chose que des mots pour boucher les trous des mots qui manquent. Et je crois que la plus haute dignité de la littérature contemporaine, c'est de se confronter à ce problème-là. C'est celui qui va, le grand écrivain, me semble-t-il, hein, on en a parlé là, quand je parlais de Pessoa, bien comme ça, ou de Kafa, le grand écrivain, c'est nécessairement aujourd'hui celui qui est le plus conscient de ça. C'est qu'il n'y a que les mots pour réparer les ravages que créent les mots qui manquent. Et la psychanalyse, elle ne participe d'une certaine manière à l'esprit de la littérature contemporaine que parce qu'elle est aussi, par certains aspects, quelque chose qui a trait à cela. Hein. C'est-à-dire de trouver avec des mots de quoi faire que les mots qui manquent puissent être compris à la fois comme mots qui manquent et éventuellement suppléés par une pratique de métaphore qui est une pratique de rabibochage, d'interprétation, comme on dit, de production et de restitution du contenu. Mais sur le fond, d'une finitude qu'on palpe chaque fois qu'on ouvre la bouche, chaque fois qu'on interagit avec autrui, Et chaque fois qu'on se retrouve devant le vertige de ne pas savoir, au fond, ce que l'autre dit. C'est là une leçon, je crois. Vous voyez, c'est pour ça, j'espère que vous sentez que je me rapproche de la psychanalyse. Je n'ai pas encore vraiment parlé, mais je dirai juste le mot à la fin. La leçon essentielle, c'est ça, une leçon vraiment essentielle. Parce que c'est une expérience que vous faites facilement avec ce qu'on appelle l'aliénation mentale. C'est que pour qu'il y ait des aliénés mentaux, il faut qu'ils fassent partie du même monde que nous. Il faut qu'on ait un monde commun. Or, c'est quoi le monde commun? C'est pas un monde commun qui consiste à partager une ontologie avec les psychotiques. C'est un monde commun qui consiste à partager des vulnérabilités. Et ça, le point qui nous rappelle, c'est que quand vous entendez une réponse de psychotique, il n'y a pas de problème, il est fou. Quand vous entendez une question de psychotique, et quand vous êtes éventuellement susceptible d'aider un psychotique à formuler sa question, les mots, le sens des mots tel qu'il figure dans une question n'est pas aussi délirant que le sens des mots tel qu'il figure dans les réponses. Il n'y a pas cet effet d'impénétrabilité entre les deux choses. Et que ce questionnement commun, le fait qu'on puisse se trouver des questions communes, c'est le sens même de ce que Cavell appelle la skepsis, l'interrogation, le scepticisme, hein, au sens fort, c'est ce que nous partageons. Qui n'est pas un scepticisme, vous voyez, de celui dont je parlais tout à l'heure, de ne pas savoir un certain nombre de choses ou de ne pas avoir les moyens de le connaître, mais qui est de partager un espace ouvert par un certain nombre de questions et que finalement, le langage commun qu'on a avec le psychotique, ce n'est pas le langage de ses réponses, c'est le langage des questions. Et c'est en trouvant les questions, en aidant le psychotique à formuler sa question, que dans cette opération même, vous touchez le sol de vulnérabilité, d'incertitude, de non-réponse, peut-être d'impossibilité à répondre, qui fait qu'il appartient au même monde que vous, un monde vulnérable. Alors je finis là-dessus en vous disant maintenant quelque chose sur l'interprétation Wittgensteinienne du Caire. Partie de la critique féministe des idées, des éthiques de l'autonomie. J'ai fait quelques remarques sur le déplacement de la chose vers la question de la vulnérabilité. Et je voudrais maintenant vous montrer comment chez Sandra Laugier, chez Cora Diamond, chez un certain nombre de gens comme ça, dans la filiation de Cavell, de Stanley Cavell, le texte où Cavell le dit mieux, c'est dans la préface qu'il a fait à Life and Works de Vina Das. Comment ça rejoint une problématique profondément wittgensteinienne. Ça le rejoint d'une manière qui intéresse directement la critique traditionnelle de la psychothérapie en psychanalyse. Cette critique de la psychothérapie, c'est une critique qui repose systématiquement sur le fait que ce qu'on soigne, ça ne peut pas être le moi ou la personne de l'autre. Qu'il y a là quelque chose qui est normatif, qui va nécessairement imposer une forme d'ego ou de moi à l'autre, qui va le conformer aux idéaux régnants du moi, et qui va donc traiter inéluctablement le symptôme comme un parasite, en lui faisant perdre sa valeur de questionnement de vérité, hein, ce que revendique la psychanalyse, et en particulier la possibilité pour le sujet d'échapper à la contrainte subreptice qui se loge dans l'appel psychothérapeutique à avoir un moi normal, un psychisme, une psyché normale. Alors, je crois que ce que je vous ai raconté sur le Caire permet de, je ne dis pas de réfuter, hein, ça existe, hein, les psychothérapeutes qui ont une ambition de normativation du moi de l'autre, les psychothérapies cognitivo-comportementales dans leur pratique ordinaire, c'est ça, hein, c'est même revendiqué comme tel, vous avez un toc, c'est un parasite, on va l'éradiquer, c'est présenté comme ça, c'est pas vous qui êtes malade. C'est pas vous, c'est votre toc, hein, et maintenant c'est pas votre toc, c'est votre cerveau. Ah, vous inquiétez pas, c'est pas vous, c'est votre cerveau. Alors, comment je vais m'y prendre? Je vais m'y prendre en insistant sur sur ce que Wittgenstein apporte aux yeux de Cavell. Les recherches philosophiques pour Cavell, c'est un texte de philosophie politique, pas un texte d'épistémologie. Et il a certainement raison, parce que quand on voit la préface qui avait été prévue, qui est dans les marques de Wittgenstein, la préface est prévue pour le livre, on se demande comment... Bon, c'est une préface sur la modernité, hein, sur le statut de la modernité. Et pourquoi c'est un texte sur le sujet moderne? C'est parce que le fameux argument du langage privé, c'est-à-dire la question de savoir si dans ma tête je peux avoir des états mentaux dont je suis le seul à pouvoir dire en quoi exactement ils consistent, cet argument du langage privé est un argument dont Wittgenstein pense qu'il est présent dans le langage quotidien et qu'il est la maladie propre de la modernité et de l'individualisme de la modernité. Alors, comment essayer de vous le présenter à partir simplement de l'argument du scepticisme traditionnel? Je vois ici du verre. Qu'est-ce qui prouve que ce que moi j'appelle du verre, le verre que je vois, c'est pas du rouge ou du jaune pour tel ou tel d'entre vous? Puisqu'au fond, chaque fois que je vais repérer qu'il y a une couleur, je pense que beaucoup de gens sont spontanément posé la question du spectre des couleurs inversées. Qu'est-ce qui prouve que moi, ce que j'appelle du vert, ce que tu rappelles du vert, n'est pas, si je pouvais dévisser le crâne de l'un d'entre vous et regarder à l'intérieur quel est l'échantillon de couleurs auquel il rapporte sur une sorte de pantone les couleurs, il ne trouverait pas du jaune. Sauf que le mot tel qu'il se manifeste à l'extérieur, et qui est commun, vert, tel qu'on l'écrit, correspondrait à une sensation interne et à une mise en relation entre le mot et la sensation interne qui ferait que tous les rapports de couleurs seraient conservés, sauf que chacun d'entre nous verrait des couleurs totalement différentes. C'est très important, la théorie des couleurs, en plus dans la philosophie allemande depuis Goethe, etc. Parce que ça, c'est beaucoup plus plausible avec les couleurs, par exemple avec les formes. Ça, c'est sûr que ça marche. Voilà. Et que le qualitatif, ça voudrait donc dire, ultimement, que si on peut se poser une question comme ça, c'est que nous faisons l'expérience de notre isolement radical en tant qu'individu. Et la grande idée de Cavell, c'est que, bien sûr, on peut réduire ça à une question de logique et tourner en rond dans des questions de logique et dire est-ce qu'il y a des définitions ostensives privées ? Non, parce que si c'était le cas, alors on donne des raisonnements de type logique, c'est-à-dire que vert, dans la tête, c'est un mot qui ne devrait avoir qu'une signification pour la personne, mais alors si c'est le cas, tous les noms de couleurs devraient avoir, tous les mots devraient avoir une signification pour la personne, donc ça nie le concept de langage. Donc on a des raisonnements de ce type-là, mais c'est pas ça, dit Cavell, qui est au cœur. C'est pas ça, même si Wittgenstein répond à l'argument du langage privé comme ça. C'est de dire que fait l'homme qui fait ça? Et il le fait. Il y a des gens comme ça. Il est confronté à un problème terrible. C'est qu'il ne sait pas ce qui se passe dans la tête des autres. C'est que la condition humaine de l'homme de la modernité, c'est qu'il ne sait pas ce qui est dans la tête des autres. Alors, tant qu'on en reste aux couleurs, c'est un argument sceptique extrêmement connu. C'est un argument qu'on pourrait presque trouver dans l'Antiquité. Vous voyez, la question de... C'est presque un trope sceptique, comme les tropes des Mnésidèmes dans l'Antiquité. C'est la question de savoir si ce que je vois comme vert, vous le voyez comme vert. Si moi, ce que j'appelle vert, c'est... Aucun mot... Vert, on va employer tous le même mot, mais on ne le fera pas correspondre à la même réalité. Ça, c'est une question sceptique, vous voyez, qui est épistémologique. La question profondissime, c'est la question de la douleur. C'est une deuxième partie des recherches sur laquelle Cavell s'appuie pour dire, et la douleur? Qu'est-ce qui prouve que la douleur que l'autre sent, c'est la douleur que moi, je sens? Alors, moi, il m'a toujours semblé que c'est un truc au truc, c'est pour savoir est-ce que la jouissance sexuelle de l'autre est plus forte, plus faible, etc., si c'est une femme, etc. C'est un vieux problème, de savoir si la jouissance de l'autre, par exemple, et pas seulement la douleur, ben, le monde dans lequel on pose des questions pareilles, c'est le monde de la tragédie de l'individu moderne. C'est une question éthique, c'est pas une question épistémologique. Parce que, comme dit Cavell, cette chose qui est très très remarquable, tant que j'en reste aux couleurs, je peux reconnaître, je peux me voir une chose, je ne connais pas les états mentaux privés d'autrui. Mais si je passe à la douleur ou à la jouissance, et que je me mets à douter pour les mêmes raisons que ce qui se passe dans la tête de l'autre, c'est de la douleur. Alors, faire remarquer Cavell, ce n'est pas que je ne connais pas autrui, c'est que je ne reconnais pas l'existence d'autrui. Si je peux me situer dans un monde où je peux sérieusement douter que celui qui exprime de la douleur sensiblement, qu'un corps projeté comme ça, si je peux me placer dans un monde, si j'applique le scepticisme à ce point, alors je ne reconnais pas autrui. Et là, vous y voyez des choses qu'un homme des années 30, n'est-ce pas, le fait de ça, est-ce qu'un juif, ça sent comme, il s'entend la musique comme les autres, par exemple, question de ce genre. Est-ce que les débiles mentaux qui prennent pas froid quand ils se baladent à poil dans la cour de l'asile, n'est-ce pas, qu'ils sentent la douleur ou le froid comme nous? Oui. Tout d'un coup, c'est le spectre de la ségrégation des êtres humains rendu possible par le jeu de langage de l'individu et du langage privé. La forme même, vous voyez, on a toujours considéré que l'individualisme, ça mettait tout le monde sur le même plan. Pas du tout. La force des recherches philosophiques chez Wittgenstein, c'est de montrer que ça crée la ségrégation la plus radicale, potentiellement la ségrégation la plus radicale à l'égard d'autrui. Et que c'est là le tragique de... Les recherches philosophiques, pour Cavell, sont un moyen d'aller jusqu'au bout, de savoir, mais c'est quoi les conditions? C'est qu'avant de connaître ce qui se passe dans la tête de l'autre, il faut reconnaître l'existence de l'autre. Et que le test de la douleur s'oppose au test purement cognitif de la couleur. Je vais vous en donner une illustration très forte. C'est Jonathan Chalier, qui a été un de mes thésards, mais qui n'a pas fait sa thèse, qui, avec moi en tout cas, qui avait posé ce magnifique problème. Les enfants autistes qui se mettent à pousser des hurlements de douleur devant une couleur ou une forme. Ils voient un triangle et ils se roulent par terre et il faut des sédatifs. Et les Américains qui passent les gens à l'IRM et qui disent ben, « on voit bien que les centres de la douleur sont activés, donc un enfant autiste qui voit une couleur, le bleu, ou un triangle, ou un carré, eh bien, il faut lui donner des analgésiques. » C'est là où vous voyez les limites de ce que c'est qu'une forme de vie. C'est la capacité à rencontrer... Est-ce qu'on peut avoir mal devant une couleur? Ou devant une forme géométrique? Très complexe. On n'arrive pas à sympathiser avec ce genre de choses. Et c'est pour ça que les gens, vous voyez, qui disent... Il y a un problème neurobiologique, c'est-à-dire que ce n'est pas le même cerveau. On ne va pas leur expliquer que c'est des méchants naturalistes à la con, n'est-ce pas, qui ne sont pas interrogés sur le contexte familial, etc. C'est qu'il y a des phénomènes de ce genre qui vous donnent l'impression, et on ne peut pas, peut-être même pas le catégoriser autrement, que vous avez affaire à une vie qui fonctionne sur un registre qui vous est substantiellement impénétrable. Si un enfant autiste se met à hurler devant une couleur, par exemple, il n'y a aucun moyen de me projeter dans une situation de ce genre. Là, vous voyez, je ne dis pas que c'est un problème neurobiologique. Je dis que vous aurez énormément de mal à ne pas laisser des gens penser qu'il y a là une différence biologique des modalités élémentaires de réaction, d'inscription, de la sensibilité, du fonctionnement du cerveau, etc., qui font que l'enfant est dans un autre univers d'où il est inaccessible. Donc, je soulève ce point parce que c'est vraiment très délicat, cette situation de la réaction des enfants autistes devant des stimulus qui ne sont pas douloureux et où ils ont des expressions de douleur. On est totalement désarçonné. Ou alors, il faudrait trouver une solution. Mais le point sur lequel je veux insister, c'est qu'est-ce que ça veut dire, en allant jusqu'au bout de l'argument de Wittgenstein, entendre quelqu'un qui dit « je souffre », quelqu'un qui dit « j'ai mal ». Eh bien, ça veut dire que reconnaître que quelqu'un dit « j'ai mal », c'est reconnaître que dans son « j'ai mal », il y a quelque chose qui est à la fois un énoncé, avec un pronom personnel, une phrase, et un cri. C'est-à-dire que pour que le « j'ai mal » ait son effet, il faut que ça sorte de la bouche qui est sur la tête, qui est sur le corps de la personne qui dit « j'ai mal ». C'est-à-dire que si voilà, on marche sur le pied et que le « j'ai mal » sort de cette couche-là, il va y avoir une sorte de total décalage. Hein, quelque chose. Et là, le corps et l'expression corporelle, la vie du corps est directement engagée dans ce qui donne sa validité à un énoncé grammatical sous la forme du j'ai mal. Et ça, le fait qu'il y ait un continuum entre le cri et l'énoncé, c'est comme je voulais bien des fois souligner ce qui ne va pas, à mon avis, dans la distinction des représentations des affects chez Freud, bien des fois j'ai insisté là-dessus, ou du signifiant et de l'affect chez Lacan, c'est que c'est pas comme ça que ça peut se passer, parce que les paroles qui ont de l'effet ne peuvent être que des expressions enracinées dans la forme de vie, avec un V majuscule, dans le corps même de ce que les gens disent. C'est des paroles affectées et affectantes dans un continuum où on ne peut pas séparer les deux dimensions. Et que c'est la raison pour laquelle on trouvera toujours, finalement, bizarre, toutes les explications freudiennes sur la disjonction de la représentation et de l'affect, comme si on pouvait avoir d'un côté la représentation et de l'autre l'affect. Alors, elle est une représentation qui ne serait pas intrinsèquement affectée. C'est quelque chose dont nous ne pouvons pas avoir véritablement de représentation. Pour ça, j'ai beaucoup insisté sur ces points pendant l'année, puis ça fait des années que je vous le dis, sur la distinction entre le perlocutoire et l'illocutoire. Mais ce que je voulais marquer ce soir, c'est le lien de ce thème que j'élabore depuis vachement longtemps avec l'idée d'une éthique du care, c'est-à-dire d'une attention particulière, particulariste, aux conditions même de la sensibilité des choses. Je conclue sur Bion. Je conclue sur Bion parce que ça devrait vous éclairer sur un aspect de Bion qui est extrêmement étrange, c'est ce que Bion appelle « thoughts », les pensées. Chez Bion, il ne saurait y avoir de distinction entre la pensée et l'affect au sens freudien. Il ne peut pas y avoir, d'un côté, il y a la pensée qui part, et de l'autre, il y a l'affect qui s'en va, qui va se greffer sur une autre représentation. Parce que le matériau même de Bion, c'est la pensée comme pensée affectée. Il n'y a strictement rien d'autre que des « j'ai mal » où la part du cri du cœur, et la part de la proposition logique décomposable avec le sujet, le verbe, etc., sont absolument indistinguables. Et qu'il en ressort, du coup, une chose, c'est que le psychisme, l'idée de psycho, de psyché, chez Bion, a une consistance qu'elle ne peut évidemment pas avoir chez Lacan, même chez Freud. Parce que, au fond, le psychisme qui est engagé là-dedans, c'est le lieu où sont produits les thoughts, les pensées affectantes, les pensées affectées, affectantes d'autrui, affectées de soi-même. Et vous ne pouvez pas, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, avoir cette idée de Lacan, qui a un contresens avec la notion d'âme ou de psyché, et que la seule chose qui existe, c'est d'un côté du langage et de l'autre du corps. Et que ce qu'on appelle l'âme, ce sont certains recroisements ponctuels avec des effets dans l'imaginaire du signifiant, l'impact du signifiant sur le corps. Non, là, vous avez une manière d'entendre la parole, et même la dimension perlocutoire de la parole qui fait intrinsèquement référence à la pensée affecte. Mais ça va plus loin que ça. Ça veut dire que ce n'est pas une pensée affecte que vous allez pouvoir trouver comme quelque chose qui est dans la tête de l'autre. C'est une pensée qui n'existe non pas comme quelque chose que l'on connaît, mais comme qui est quelque chose que, dont on fait l'expérience dans la reconnaissance que l'autre existe. C'est bien en amont du fait de connaître ce qui se passe dans les processus psychiques que quelqu'un aurait à l'intérieur de la tête. Cette thought myonienne, elle est engagée dans la reconnaissance que l'autre existe. C'est-à-dire un peu comme le Gemal de Wittgenstein. Et donc du coup, ça vous explique pourquoi il est central, organisateur chez Bion, que l'identification projective ne soit pas un mécanisme défensif archaïque comme chez Mélanie Klein, mais la condition même de l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a une archi-supposition dans l'identification projective que je suis affecté sur le mode de la reconnaissance de l'existence d'autrui par tout ce qu'est autrui. Et que cette affectivité, ce qui m'affecte là, c'est ce à partir de quoi, c'est ça le truc le plus profond chez Bion, le caractère proto-individuel des affects précède l'individualisation et l'affirmation que quelqu'un a un affect et que quelqu'un est affecté par l'affect de l'autre. Il y a une dimension proto-individuelle qui est celle qu'il a mise en lumière dans les mécanismes de groupe, en tant que les mécanismes de groupe exemplifient à plusieurs dans la circoncision, enfin exemplifient, non, pas les exemplifient, constituent originairement l'espace que nous avons tendance à considérer comme purement psychotique et interne à un individu. Alors pourquoi tout ça est essentiel? C'est parce que si on doit donner un sens à psychothérapie, un sens qui ne soit pas niais, un sens qui ne soit pas la croyance que moi je sais ce qu'il faudrait que votre moi soit, et où finalement on est engagé dans ce que Lacan a bien évidemment dénoncé, c'est que comme si on connaissait son moi et comme si on avait les moyens en plus de savoir ce qu'il y a dans le moi d'autrui. Et donc, en réalité, sous couvert de psychologie, vous avez une application normative la plus disciplinaire et la plus réactionnaire possible de la conformisation sociale, la psychothérapie. Si on peut donner un sens possible à ce qui est psychothérapeutique, ce serait justement en passant par cette possibilité de restituer aux individus ce que j'appellerais leur sensibilité à eux-mêmes et à autrui. La dernière fois, j'avais défendu l'idée que chez Bion, il y a du psycho à cause de son intuitionnisme. Je ne reviens pas là-dessus, de ce qu'il emprunte à la notion mathématique d'intuitionnisme. Aujourd'hui, je dis autre chose. Aujourd'hui, je dis qu'au fond, la psychothérapie, c'est uniquement possible à partir du moment où l'enjeu, c'est que le care que l'on peut avoir pour autrui comme pour soi-même apparaît comme une dimension constitutive du travail permanent de réparation, de la continuité de la vie et de la continuité du contact avec autrui. Et que ça, c'est bien en amont, c'est bien plus simple et plus originaire que tout ce qu'on appelle l'empathie d'un moi constitué pour un autre moi constitué. C'est ce qui permet, c'est l'espace même à l'intérieur duquel a lieu la reconnaissance de l'existence d'autrui en tant qu'autrui. C'est ce care-là. Or ce care-là, il implique une sorte de primauté de quelque chose de vital, hein, de la capacité à entendre un « j'ai mal », un « je jouis », etc., qui vous met sur dans un espace qui est un espace interpsychique ou co-psychique, hein, de celui d'identification projective, et où il devient possible de penser de la psychothérapie. Alors, c'est particulièrement, me semble-t-il, indispensable lorsqu'on réfléchit à ce que j'appelle l'autonomie condition. Parce que ce qui caractérise le caractère paroxystique de l'autocontrainte dans l'autonomie condition, tel que je l'ai exemplifié chez Paramore, c'est la perte de la sensibilité à soi. C'est qu'il devient impossible, le care pour soi-même comme pour autrui, devient totalement impossible. Au sens où la forme élémentaire de cette sensibilité à soi et aux autres, ce que Bion appelle la rêverie, est, pour ainsi dire, foreclose. Il n'y a pas de rêverie. Il n'y a que cette espèce de rumination insomniaque perpétuelle dans laquelle on n'accède jamais à une possibilité de se sentir, de s'affecter de soi-même et de s'affecter d'autrui. Avec ces effets vertigineux de solipsisme que j'avais marqué en disant que voilà, c'est quelqu'un, on pouvait carrément aller chercher un paquet de la poste, etc., et continuer à parler sur le divan, les yeux clos, et puis on pouvait revenir, ça continue à parler, ton uniforme, comme ça. C'est-à-dire que le langage lui-même, l'auto-affection du langage, aboutissait à cette espèce de mise en boucle, une recherche désespérée d'une auto-affectation de soi. C'est très important de bien marquer que quand on met la psychanalyse de ce côté-là, hein, de ce côté très basique, on est dans une perspective très différente de celle qui constitue à dégonfler l'idéal, à la résolution du complexe d'Œdipe, à dégonfler l'idéal pour faire une place au désir. Bon. Si le moi, le surmoi et l'idéal du moi en sont venus comme ça à se collader dans certaines constructions très anthropologiquement particulières, comme celle de l'autonomie condition, alors, la critique de l'autonomie que permet le Caire, la mise en évidence des bases sensibles, sensorielles, du monde partagé, etc., de la vulnérabilité méconnue, niée, voire activement niée, parce que c'est vraiment, vous voyez, c'est ce que dit Paramore sans arrêt, n'est-ce pas, ne dépendre de rien, hein, quelqu'un qui est effectivement totalement dans la dépendance, ni regret, ni remords, cette espèce de pas de regret, pas de remords, comme il dit, n'est-ce pas, c'est pour ça qu'il s'appelle Paramore, hein, pas de remords, c'est presque un nom propre chez lui. C'est cette question-là qui est vachement engagée dans la prise en charge d'un certain nombre de ces patients-là. C'est que la rêverie, c'est pas un gadget psychologisant, etc. C'est la remise en jeu d'une capacité que je pense qu'on peut réfléchir en termes de care. Et si vous pensez aux effets de ravage des idéaux d'autonomie condition sur les enfants et les adolescents, c'est-à-dire sur l'extraordinaire précocité des exigences d'autonomie qui sont faites aux enfants. Peut-être que vous pouvez éclairer carrément mais des troubles sensoriels, des troubles de l'affectivité qui sont liés à l'imposition hyper précoce et obsessionnalisante. C'est bien ça qu'on va appeler les niveaux obsessionnels chez les petits, de ces trucs d'autocontrainte qui ne peuvent finalement déboucher à l'adolescence que sur éventuellement des explosions en termes d'entoreignes. L'état, les troubles de l'hyperactivité, comme on sait épidémiologiquement, à l'adolescence, ça va vous faire des borderline, des toxicomanes, des gens qui vont... Moi, ce que je trouve très frappant dans ce genre de choses, c'est quoi l'attention qu'on peut leur porter. C'est une attention qui viendrait justement contester et attaquer la nouvelle hyper autocontrainte qui n'est pas exactement surmoïque, qui est véhiculée par les idéaux d'autonomie en tant qu'impératif et que condition. Et je pense que le CAIR offre quelques ressources à ce sujet. Et donc voilà, je voulais terminer l'année que j'avais commencé par toutes ces considérations anthropologiques sur l'histoire de l'individualisme. Et sur la question de savoir ce qui est psychothérapeutique, en disant qu'il y a peut-être une manière de desserrer notre méfiance à l'égard du psychothérapeutique, la psychanalyse, en nous interrogeant sur la façon dont sont fabriqués un certain nombre d'individus, en allant pas imaginer qu'au fond, c'est le bon vieux surmoi toujours qui s'impose à tout le monde. En faisant extrêmement attention au mode de métabolisation de l'idéal et du surmoi, à la façon dont ça peut empiéter extrêmement précocement sur ce qu'on appelle le moi dans les topiques freudiennes, et en réfléchissant à des modes d'intervention où ce sera beaucoup moins du côté de la scansion, de la chute, du découpage de l'objet, de la séparation, de l'équivoque dissipant une cristallisation imaginaire, et beaucoup plus du côté de l'induction onirique, du partage du rêve, du rappel de la forme de sensibilité originaire qui peuvent être éventuellement partagées dans des moments émotionnels extrêmement intenses, voyez. Précisément tout ce que m'a reproché dans Paramore, n'est-ce pas, le fait qu'il paraît que c'est scandaleux de pleurer quand un patient parle. Sauf que effectivement, moi j'ai remarqué que quand j'étais bouleversé d'émotion, le patient, ça avait un effet saisissant, simplement de toucher du doigt qu'il n'était pas seul, qu'il était affectant dans ce type de relation. Parce que bon, les patients qui pleurent, ça va, on connaît tous, ok, mais l'analyste qui pleure, personne n'en parle. Or ça, c'est quand même des choses, si on ne veut pas que ça reverse dans la psychothérapie niaise et humaniste, il faut trouver un moyen de loger ces affects sans se faire retourner, c'est du contre-transfert, mon pauvre chéri, tu devrais retourner sur le divan. Il y a des cas où c'est du contre-transfert et où le pauvre chéri, il devrait retourner sur le divan. Mais pas toujours. Et que c'est ça, le point. C'est de ne pas être désarmé pour penser ce dont il s'agit. Or, je crois qu'il y a des modalités anthropologiques de contraintes qui s'exercent sur les individus, de cruauté de ce que c'est que le processus social, pour lequel on peut penser un concept très sophistiqué du care, qui, dans ses dimensions philosophiques les plus profondes, en relation à l'analyse des expressions de douleur chez Wittgenstein, ce que c'est qu'écouter quelqu'un qui dit « je souffre », par exemple, de savoir quelles sont les conditions de succès, par exemple, d'une expression comme « j'ai mal, je souffre », qui ne sont pas juste des conditions conventionnelles. Il faut aussi que vous puissiez avoir quelque chose que vous partagiez biologiquement ou vitalement, un certain nombre de choses, la forme du corps, des expériences de ce genre, etc. Cette espèce de dimension que Bion permet, je crois, admirablement de cerner avec ce qu'il appelle le haut, hein, pour ceux qui connaissent un peu Bion, c'est cette immanence-là qui est en cause et qui, voilà, c'est un peu ce que je voulais proposer cette année, permet de desserrer, voilà, ou de produire une nouvelle idée de la dimension psychothérapique de la psychanalyse dans certains contextes qui sont nouveaux. Voilà. Pour cette année. Est-ce que vous voulez faire une remarque ou une... Le film Le Désert des Tartares là, de Zurlini, il y a un moment donné, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu ici, c'est qu'il y a le capitaine qui s'en va dans le désert pour se donner la mort, et dans le premier plan, il y a un cheval qui quitte, qui en fait tourne le regard vers lui qui s'éloigne, et de dos il sent la présence du regard du cheval, et lui il ne regarde pas, il ne regarde pas, le cheval en fait se tourne vers nous. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe entre... et en fait, on se voit détourner le regard à son tour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui vient de très loin et qui... Voilà, c'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé aussi de détourner le regard parce que c'est... Voilà. Et on vous invite à voir le film, c'est magnifique. Oui, je veux dire quelque chose, parce que c'est venu pour la première fois. Moi, ça m'a beaucoup intéressé ce que vous dites, hein, pour moi, la question de la culpabilité, de la faute, de la dette, de l'impuissance, etc. J'ai mal, le terre. Je crois que quand on a mal, on a toujours mal à l'amour. Et que, on a mal parce que le désir est impuissant à venir répondre à la demande d'amour qui vient toujours essayer de fermer quelque chose d'impossible. Alors là, vous parlez effectivement du Caire, et moi je suis d'accord avec vous sur la question du Caire, sauf que la question du Caire, elle est en prise directe avec le désir de l'analyste. Le désir de l'analyste, non pas en tant qu'il a une éthique de travail, mais qu'il a une posture, je vous avais dit une texture d'être du psychothérapeute, du psychanalyste, n'est-ce pas ? Et donc, c'est dans ce désir de l'analyste que vient se loger quelque chose qui a à voir avec une souffrance pour lui aussi. Il a horreur de son acte, nous dit Lacan, hein, et ce n'est pas pour rien, parce que là où il va, c'est peut-être quelque chose qui a à voir avec l'horreur, le mal, vous avez dit aussi. Hein. Alors donc, le désir de psychanalyse, c'est peut-être quelque chose de fondamental à engager, et peut-être que le côté thérapeutique, parce que, bon, psychanalyse, quand un analyseur vient nous voir, il ne demande pas une analyse. Il demande que ça s'arrête, que ces symptômes s'arrêtent. Et ils n'ont pas encore dans l'idée, certains si peut-être, d'aller essayer de chercher, vous parliez de Goethe tout à l'heure, dans le domaine des mères, hein, les mères qui voient les chaînes, uniquement les chaînes. Mais ils ont envie que ça s'arrête, donc, et ils viennent nous demander quelque chose, d'être un support, peut-être une présence à leur souffrance, qui n'est pas forcément de l'empathie, non, hein, pas de l'empathie, mais qui vient titiller notre désir, et je dirais peut-être que finalement, c'est la posture, la texture d'être du psychanalyste qui a un côté thérapeutique. Je sais pas si... qui est psychothérapique, disons, voilà. Je sais pas si je me suis bien exprimé, si ça... Je pense que c'est un peu ce que je trouvais dans votre... dans ce que vous avez dit. C'est vrai. À la fin, vous avez dit désir. Donc, désir de psychanalyste. Pas de psychanalyste, oui. Le désir. Mmh. Mais vous n'avez pas souvent parlé de désir. Oui. Non, mais c'est délibéré, hein. C'est pour sortir de ce vocabulaire. Mais ça n'empêche pas d'y revenir, de superposer. Je m'intéressais plus cette année, si vous voulez, aux conditions juste de recomposition des catégories. Je ne pense pas que ce soit incompatible avec l'idée qu'il y a un désir particulier. Vous savez, l'horreur de l'acte, c'est vrai qu'il y a quelquefois l'horreur de l'acte, enfin c'est quand même un peu particulier, c'est qu'en général, l'horreur, ça vous inhibe. Tandis que ce dont parle Lacan, c'est l'horreur d'un acte qui est quand même posé. Donc c'est comme pas n'importe quel type d'horreur. C'est pas une horreur qui triomphe, en tout cas. C'est pas une horreur qui triomphe sur le... Vous savez, il y a plein de fois, moi, enfin, je sais pas, moi, ça me fait pas horreur, enfin, ça peut faire horreur, hein, oui, effectivement, de temps en temps, mais je trouve que c'est un moment particulier de Lacan, quand même, où il en part de l'horreur de l'acte. Je suis pas sûr que ça puisse être détaché des contextes et des concepts qu'il employait à la même époque pour penser les choses. Ben, l'an prochain, je parlerai de la science. Enfin, de ce qu'était la science quand il y en avait une. Hein. Puisque vraiment, justement, c'est le problème dont je partirais. C'est quand même extrêmement difficile de dire aujourd'hui la science. Alors ça a des conséquences, je crois, assez importantes sur ce qu'on appelle l'ordre symbolique, la façon dont les gens se situent, la manière dont la psychanalyse est ou n'est pas une science, etc. Et donc, il sera extrêmement question de philosophie des sciences. Fini de rire. Moi, j'ai juste pensé qu'on était quelques-uns à vouloir vous remercier, parce qu'on est bien d'être ici. Non. Un petit truc, mais c'est au nom de tout le monde, quoi. C'est vachement gentil.